J'ai appris que toute blessure en t'était ignorée, que beaucoup de chagrin t'était mis de côté, que tout petit en veut encore plus de combativité, plus grand certains mots sont trop vite prononcés. J'ai appris que les erreurs ne sont que civilisées, que les histoires sans fin se sont trop vite terminées. J'ai appris tant de soucis dans un monde de douleur, où l'argent sale peut te faire changer d'humeur. J'ai appris que Zetko voulait prendre la parole. J'ai appris que mon micro avait un très grand rôle, il efface les misères que j'ai traînées à l'école. L'encre sur ma feuille m'a aidé à retrouver la joie de vivre qui m'avait été enlevée. Dans ma famille, deux êtres sont censés s'aimer, mais j'ai vu le moment où mes parents se séparaient. Malgré ces années, ils n'ont jamais cessé de s'aimer. J'ai appris que V pouvait tenir de peu de repères, qu'elle est fragile comme un coma humanitaire. J'ai appris que l'homme n'a fait que déclencher les bombes, appris regret de devoir fleurir certaines tombes. J'ai appris que mes peines étaient cachées sous ma plume, que la jeunesse est fait buter par le bitume. J'ai appris mes souvenirs en tournant les pages, que les armes ont caché les plus beaux paysages. J'ai appris à ignorer cette merveille, puis j'en ai manqué de sommeil. Je me couche au lever du soleil, dans ma peine le rap m'a sifflé à l'oreille. J'ai appris que même le bonheur ça se paye. Je n'ai appris qu'à lire mon futur, qu'à serrer la ceinture, voir se serrer les murs. Du rêve j'ai cassé la serrure. J'ai appris que la France voulait vivre n'importe comment, que indigne citoyenne dormait à l'abri du vent. J'ai appris que l'histoire a construit des murs renforcés, que c'est grâce à eux que j'ai pu grimper. J'ai appris que les USA contrôlaient nos vies, que de seul coup de fric ils pouvaient balayer les académies. Il paraît que le bonheur n'appartient qu'au vrai, qu'il y avait que les enfants qui disaient la vérité. J'ai appris que Chocho rêvait du disque d'or. J'ai appris que le parfum de la paix était inodore, que le siège social n'avouait pas ses torts, que mon rap me rend de plus en plus fort, que la famille était un des plus grands trésors, qu'ils étaient là quand ma tête était en désordre. J'ai appris que V pouvait tenir de peu de repères, qu'elle est fragile comme le combat humanitaire. J'ai appris que l'homme n'a fait que déclencher les bombes, après regret de devoir fleurir certaines tombes. J'ai appris que mes peines étaient cachées sous ma plume, que la jeunesse est fait buter par le bitume. J'ai appris mes souvenirs en tournant les pages, que les armes ont caché le plus beau paysage. Face au micro, ma voix est ironique. Je rêve d'un concert de jour magnifique, où l'ambiance serait plus que magique. De ce jour où le souvenir sera unique, j'ai porté peine entre jugement et flic. J'ai appris la richesse que portait ce titre, que des enfants voyaient le bonheur qu'au travers d'une vitre. J'ai appris qu'une passion pouvait tuer à tout moment, que Marcel est maintenant prisonnier du ciment. J'ai appris à vivre dans la violence du système, du rêve à la réalité s'est accumulé la haine. J'ai appris que le temps nous détruisait, que trop de murs bâtis ont été saccagés. J'ai appris que V pouvait tenir de peu de repères, qu'elle est fragile comme un combat humanitaire. J'ai appris que l'homme n'a fait que déclencher les bombes, après regret de devoir fleurir certaines tombes. J'ai appris que mes peines étaient cachées sous ma plume, que la jeunesse est fait buter par le bitume. J'ai appris mes souvenirs en tournant les pages, que les armes ont caché le plus beau paysage. J'ai appris que V pouvait tenir de peu de repères, qu'elle est fragile comme un combat humanitaire. J'ai appris que l'homme n'a fait que déclencher les bombes, après regret de voir fleurir certaines tombes. J'ai appris que mes peines étaient cachées sous ma plume, que la jeunesse fait buter par le bitume. J'ai appris mes souvenirs en tournant les pages, que les armes ont caché plus beau paysage.